Chapitre 17. L'héritier de Serpentard. Harry se trouvait à l'entrée d'une longue salle faiblement éclairée. D'immenses piliers de pierre, autour desquels s'enroulaient des serpents sculptés, soutenaient un plafond noyé dans l'obscurité et projetaient leurs ombres noires dans une atmosphère étrange et verdâtre. Le cœur battant, Harry s'immobilisa, l'oreille tendue dans le silence glacé. Le basilic était-il tapi dans l'ombre d'un pilier? Et où se trouvait Ginny? Il sortit sa baguette magique et s'avança parmi les colonnes, chacun de ses pas répercuté en écho par les murailles obscures. Il gardait les paupières à peine entr'ouvertes, prêt à les fermer à la moindre alerte. À plusieurs reprises, il crut voir bouger l'un des serpents de pierre dont les orbites creuses semblaient suivre ses mouvements. Lorsqu'il fut arrivé au niveau des deux derniers piliers, il se retrouva face à une statue adossée au mur du fond et qui faisait toute la hauteur de la chambre. Harry dut tendre le cou pour apercevoir la tête de la statue. Elle représentait un sorcier simiesque avec une longue barbe mince qui tombait presque jusqu'au bas de sa robe où deux énormes pieds grisâtres reposaient sur le sol lisse. Entre les pieds, une petite silhouette vêtue d'une robe noire était allongée face contre terre. Une silhouette aux cheveux d'un rouge flamboyant. « Ginny ! Ginny !» murmura Harry. Il se précipita et s'agenouilla auprès d'elle. « Ginny, ne sois pas morte, je t'en supplie. Je t'en supplie, ne sois pas morte. » Il jeta sa baguette magique sur le sol, attrapa Ginny par les épaules et la retourna sur le dos. Son visage était blanc et froid comme le marbre, mais ses yeux n'étaient pas ouverts, ce qui signifiait qu'elle n'avait pas été pétrifiée. Peut-être était-elle... « Ginny, je t'en supplie, réveille-toi !» murmura Harry d'une voix désespérée. Il secouait Ginny, mais sa tête ballottait de droite et de gauche sans le moindre signe de vie. « Inutile, elle ne se réveillera pas, » dit alors une voix douce. Harry sursauta et se retourna toujours à genoux. Un jeune homme de grande taille, les cheveux noirs, l'observait, adossé contre un pilier. Ses contours étaient étrangement flous, comme si Harry l'avait regardé à travers une fenêtre aux vitres givrées. Mais il était parfaitement reconnaissable. « Tom ! Tom, j'ai du sort !» Chedusor approuva d'un signe de tête sans quitter Harry des yeux. « Mais qu'est-ce que vous voulez dire par « elle se réveillera pas »?« Elle n'est pas... Enfin, elle n'est pas... Elle est toujours vivante, » répondit Chedusor, « mais c'est tout juste. » Harry l'observa. Tom Chedusor avait été élève de Poudlard 50 ans auparavant et pourtant il était là devant lui, baigné d'une lueur brumeuse qui brillait autour de lui, avec le même visage qu'il avait à 16 ans. Vous êtes un fantôme ? Demanda Harry d'une voix hésitante. Disons plutôt un souvenir, répondit Chedusor d'une voix paisible, conservé pendant 50 ans dans un journal intime. Il pointa l'index vers les orteils géants de la statue. Le petit livre noir que Harry avait trouvé dans les toilettes de Mimi Géniard était ouvert sur le sol. Pendant un instant, Harry se demanda comment il était arrivé là. Mais il avait d'autres soucis plus urgents. « Il faut m'aider, Tom !» dit Harry en soulevant à nouveau la tête de Ginny. « Nous devons sortir d'ici le plus vite possible. Il y a un basilic dans cette chambre. Je ne sais pas où il se trouve, mais il peut surgir à tout moment. S'il vous plaît, aidez-moi !» Mais Chedusor ne fit pas un geste. Harry, le visage ruisselant de sueur, parvint à hisser Ginny. Il se pencha pour ramasser sa baguette magique. Elle avait disparu. « Chedusor, vous n'avez pas ma... » Chedusor le regardait en faisant tourner la baguette magique entre ses longs doigts. « Merci !» dit Harry en tendant la main. Chedusor étira les lèvres en un sourire, les yeux toujours fixés sur Harry. Il continuait de faire tourner la baguette d'un geste nonchalant. « Écoutez !» dit Harry, les jambes fléchies sous le poids de Ginny. « Il faut partir le plus vite possible si le basilic arrive !»« Il n'arrivera pas tant qu'on ne l'aura pas appelé !» dit Chedusor avec le plus grand calme. Harry reposa Ginny sur le sol, incapable de supporter son poids plus longtemps. « Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Donnez-moi plutôt ma baguette. Je vais peut-être en avoir besoin. » Le sourire de Chedusor s'élargit. « Non, non, tu n'en auras pas besoin. » Harry le regarda avec des yeux ronds. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » ?»« J'ai longtemps attendu ce moment, Harry Potter, » dit Chedusor. « Le moment de te voir, de te parler. » « Écoutez, » dit Harry en perdant patience, « je crois que vous ne comprenez pas très bien la situation. Nous sommes dans la chambre des secrets. On parlera plus tard quand nous serons sortis d'ici. » « Non, » On va parler maintenant, répliqua Gédusor en continuant d'afficher un large sourire. Il glissa la baguette magique de Harry dans sa poche. Harry l'observa attentivement. Qu'est-ce qui est arrivé à Ginny ? Voilà une intéressante question, répondit Gédusor d'un ton aimable. C'est une longue histoire. La raison pour laquelle Ginny se trouve dans cet état, c'est qu'elle a ouvert son cœur et révélé tous ses secrets à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas et qu'elle ne pouvait même pas voir. De quoi parlez-vous ? Du journal intime ? Mon journal ? La petite Ginny y a écrit ses confidences pendant des mois et des mois en me racontant ses petites préoccupations dérisoires, ses frères qui se moquaient d'elle, son arrivée à Poudlard avec des vêtements et des livres d'occasion. Et aussi, une lueur s'alluma dans les yeux de Gédusor. La grande question, le beau, le bon, le grand, le célèbre Harry Potter, allait-il un jour l'aimer ? Pendant tout ce temps, Gédusor n'avait pas quitté Harry du regard. Il y avait presque de l'avidité dans ses yeux. C'est terriblement ennuyeux d'avoir à entendre toutes les petites idioties d'une fillette de 11 ans, poursuivit-il. Mais j'ai fait preuve de patience. Je lui ai répondu. J'ai compati à ses malheurs, j'ai été gentil, très gentil. Ginny m'adorait. Personne ne m'a jamais comprise comme toi, Tom, m'écrivait-elle. Je suis si heureuse de pouvoir me confier à ce journal. C'est comme si j'avais toujours un ami dans ma poche. Gédusor éclata de rire, un rire aigu et froid qui ne lui allait pas et qui donna la chair de poule à Harry. Je dois reconnaître que j'ai toujours eu le don de séduire les gens dont j'avais besoin. Alors Ginny m'a ouvert son âme et il se trouve que son âme représentait exactement ce qu'il me fallait. Ses peurs les plus profondes, ses secrets les plus obscurs me donnaient de la force, de plus en plus de force. J'ai senti grandir en moi un pouvoir infiniment plus grand que celui de la petite Ginny. Un pouvoir suffisant pour commencer à confier à Miss Weasley mes propres secrets, pour déverser un peu de mon âme dans la sienne. Qu'est-ce que ça signifie ? Demanda Harry, la gorge sèche. Tu n'as donc pas encore deviné, Harry Potter ? C'est Ginny Weasley qui a ouvert elle-même la chambre des secrets. C'est elle qui a tordu le cou des coqs. Elle encore qui a tracé les terribles messages sur le mur. C'est elle enfin qui a lancé le monstre de Serpentard sur 400 de Bourbe et sur la chatte d'un craquemolle. « Oh non !» murmura Harry. « Mais si, » dit Gédusor sans se départir de son calme. « Oh, bien sûr, au début, elle ne savait pas ce qu'elle faisait, c'était très amusant. Si tu avais vu ce qu'elle écrivait dans le journal, c'était de plus en plus intéressant. »« Cher Tom, » récita-t-il les yeux fixés sur le visage horrifié de Harry, « je crois que je suis en train de perdre la mémoire. Il y a des plumes de coq sur ma robe et je ne sais pas du tout d'où elles viennent. Cher Tom, je n'arrive pas à me souvenir de ce que j'ai fait le soir d'Halloween, mais un chat s'est fait attaquer et j'ai de la peinture sur moi. Cher Tom, Percy n'arrête pas de me dire que je suis toute pâle et qu'il ne me reconnaît plus. Je crois bien qu'il me soupçonne. Il y a eu une autre agression aujourd'hui et je ne sais pas du tout où j'étais. Tom, qu'est-ce que je vais faire ? Je me demande si je ne suis pas en train de devenir folle. Tom, j'ai l'impression que c'est moi qui attaque tout le monde. » Harry serrait les poings, les ongles enfoncés dans ses paumes. Il a fallu longtemps pour que la stupide petite Ginny cesse de faire confiance à son journal, poursuivit Gédusor. Mais elle a fini par avoir des soupçons et elle a essayé de s'en débarrasser. C'est à ce moment-là que tu es intervenu, Harry. Tu as trouvé le journal et rien n'aurait pu me faire plus plaisir. N'importe qui d'autre aurait pu tomber dessus, mais c'est toi qui l'as trouvé. La personne que j'avais envie le plus de connaître. Et pourquoi vouliez-vous me connaître ? Demanda Harry. Il se sentait trembler de fureur et il avait du mal à parler d'une voix égale. « Ginny m'a parlé de toi, Harry, » répondit Gédusor. « Elle ne m'a rien caché de ta passionnante histoire. » Son regard, de plus en plus avide, s'attarda sur la cicatrice de Harry. « Je voulais en apprendre davantage sur toi, te parler, te rencontrer si c'était possible. Alors, pour gagner ta confiance, j'ai décidé de te montrer la célèbre capture de ce grand benêt de Hagrid. Hagrid est mon ami, dit Harry, qui ne pouvait cette fois empêcher la colère de faire trembler sa voix. Et vous lui avez tendu un piège, c'est ça? Je croyais qu'il s'agissait d'une simple erreur, mais... Gédusor éclata à nouveau de son rire aigu. C'était ma parole contre la sienne, mon cher Harry. Je te laisse le soin d'imaginer la réaction du directeur, le vieil Armando Dippet. D'un côté, Tom Gédusor, pauvre mais brillant, orphelin mais si courageux, préfet et élève modèle. De l'autre, ce gros balourd de Hagrid qui ne perd jamais une occasion de s'attirer des ennuis en élevant des bébés loups-garous sous son lit ou en allant se battre avec des trolls dans la forêt interdite. Mais je dois dire que j'ai été surpris moi-même de voir mon plan marcher aussi facilement. Je pensais qu'il y aurait bien quelqu'un pour s'apercevoir que Hagrid ne pouvait pas être l'héritier de Serpentard. Il m'avait fallu 5 années entières pour réunir toutes les informations possibles sur la chambre des secrets et découvrir le passage secret qui permettait d'y accéder, comme si Hagrid avait l'intelligence et le pouvoir d'y parvenir. Seul Dumbledore, le professeur de métamorphose, paraissait croire que Hagrid était innocent. C'est lui qui a réussi à convaincre Dippet de garder Hagrid et d'en faire le garde-chasse de l'école. Je crois que Dumbledore avait deviné quelque chose. Il ne semblait pas avoir autant de sympathie pour moi que les autres professeurs. Dumbledore a compris à qui il avait affaire, dit Harry sans desserrer les dents. Après le renvoi de Hagrid, il m'a soumis à une surveillance quelque peu agaçante, dit Gédusor d'un ton désinvolte. Je savais qu'il ne serait pas raisonnable d'ouvrir à nouveau la chambre pendant que j'étais à l'école, mais je n'avais pas l'intention de perdre le bénéfice de mes longues années de recherche. J'ai donc décidé de laisser derrière moi un journal intime qui conserverait dans ses pages l'être que j'étais à 16 ans, pour qu'un jour, avec un peu de chance, je puisse amener quelqu'un d'autre sur mes traces et achever ainsi la noble tâche de Salazar Serpentard. Vous n'avez rien achevé du tout, répliqua Harry d'un air triomphant. Personne n'est mort, cette fois-ci, même pas la chatte. Dans quelques heures, le filtre de Mandragore sera prêt et tous ceux qui ont été pétrifiés reviendront à la vie. Je ne t'ai pas encore dit, reprit Gédusor d'une voix tranquille, que tuer des sangs de Bourbe ne m'intéresse plus. Depuis plusieurs mois maintenant, ma nouvelle cible, c'est toi. Harry le regarda avec des yeux ronds. Imagine ma fureur quand je me suis rendu compte que tu n'avais plus mon journal et que c'était Ginny qui l'avait repris. Elle l'avait vu dans tes mains et s'était mise à paniquer. Si jamais le journal te répétait tout ce qu'elle lui avait confié, oh, pire encore, s'il te révélait qui avait tordu le cou des coqs. Alors cette petite idiote a attendu que le dortoir soit vide et elle est venue te le voler. Mais je savais ce qu'il me restait à faire. Je me doutais bien que tu étais sur la trace de l'héritier de Serpentard. D'après tout ce que Ginny m'avait dit sur toi, je savais que tu serais prêt à tout pour résoudre le mystère. Surtout si une de tes meilleures amies se faisait agresser à son tour. Et Ginny m'avait dit que toute l'école était en émoi depuis qu'on savait que tu parlais fourche langue. Alors, j'ai fait écrire à Ginny son propre message d'adieu sur le mur et je l'ai amené ici. En t'attendant, elle s'est débattue, oh. Elle a crié, elle est devenue insupportable. Mais il ne reste plus beaucoup d'énergie vitale en elle. Elle en a trop mis dans le journal, c'est-à-dire en moi. Suffisamment en tout cas pour me permettre de me détacher de ces pages et de reprendre une existence autonome. Depuis que nous sommes arrivés ici, elle et moi, je t'ai attendu. Je savais que tu viendrais. Et j'ai beaucoup de questions à te poser, Harry Potter. Quoi ? Par exemple ? Lança Harry les poings serrés. Par exemple, dit Gédusor avec un sourire engageant, comment se fait-il qu'un bébé sans talent magique particulier ait pu vaincre le plus grand sorcier de tous les temps ? Comment as-tu réussi à t'en tirer avec une simple cicatrice alors que les pouvoirs de Voldemort ont été détruits ? Il y avait à présent une étrange lueur rougeâtre dans ses yeux avides. « Qu'est-ce que ça peut vous faire ?» dit lentement Harry. « Voldemort a vécu après vous. »« Voldemort, » dit Jedusor d'une voix douce, « est à la fois mon passé, mon présent et mon avenir, Harry Potter. » Il sortit de sa poche la baguette magique de Harry et écrivit dans l'air en lettres scintillantes « Tom Elvis Jedusor ». Puis il fit un mouvement avec la baguette et les lettres de son nom s'assemblèrent dans un ordre différent. À présent, on pouvait lire « Je suis Voldemort ». Tu vois, c'est un nom que j'utilisais déjà à Poudlard pour mes amis les plus proches. Tu crois donc que j'allais accepter le jeu du sort qui m'avait donné ce nom immonde de Jedusor, légué par mon moldu de père, moi, l'héritier par ma mère du sang de Salazar Serpentard qui coule dans mes veines, moi, conservé le nom abject d'un misérable moldu qui m'a abandonné avant même ma naissance, le jour où il a découvert que sa femme était une sorcière. Non, Harry, je me suis forgé un nouveau nom et je savais que le temps viendrait où les autres sorciers auraient peur de prononcer ce nom-là lorsque je serait devenu le plus grand sorcier du monde. Harry avait l'impression que son cerveau était comme engourdi. Ahuri, il contemplait Jedusor, l'orphelin qui était devenu l'assassin de ses parents et de beaucoup d'autres. Au bout d'un long moment, il se força enfin à parler. « C'est raté, » dit-il d'une voix basse, remplie de haine. « Qu'est-ce qui est raté ?» dit sèchement Jedusor. « Vous n'êtes pas le plus grand sorcier du monde, » dit Harry. « Désolé de vous décevoir, mais le plus grand sorcier du monde, c'est Albus Dumbledore. Tout le monde est d'accord là-dessus. Même au temps de votre puissance, vous n'avez jamais osé vous attaquer à Poudlard. Dumbledore a tout de suite compris qui vous étiez lorsqu'il vous avait comme élève. Et il vous fait toujours peur, quel que soit le lieu où vous vous cachez. » Jedusor avait perdu son sourire. Son visage avait quelque chose de repoussant à présent. « Dumbledore a été chassé de ce château par mon simple souvenir, » dit-il d'une voix sifflante. « Il n'est pas aussi loin que vous le pensez, » répliqua Harry. En parlant ainsi, il avait simplement cherché à faire peur à Jedusor. Il aurait souhaité que ce qu'il avait dit soit vrai, mais il n'y croyait pas. Jedusor ouvrit la bouche, puis il se figea soudain. Une musique venait de retentir. Il regarda autour de lui. La chambre était déserte. La musique s'intensifia. C'était une mélodie étrange, effrayante, qui provoquait des frissons le long de l'échine. Les cheveux de Harry se dressèrent sur la tête et il lui sembla que son cœur avait doublé de volume. Bientôt, la musique atteignit une telle intensité que Harry la sentait vibrer dans sa poitrine. Des flammes surgirent alors au sommet du pilier le plus proche. Un oiseau écarlate de la taille d'un cygne venait d'apparaître et lançait son chant étrange sous la voûte de la chambre. Les plumes de sa queue, aussi longues que celles d'un paon, brillaient d'une lueur dorée. Dans ses serres couleur d'or, il tenait une boule de chiffon. Un instant plus tard, l'oiseau vola droit vers Harry, laissa tomber la boule de chiffon à ses pieds et se posa lourdement sur son épaule. Il avait un long bec pointu et doré et de petits yeux étincelants. L'oiseau s'arrêta alors de chanter et regarda fixement Jedusor. Harry sentait sa chaleur contre sa joue. « C'est un phénix, » dit Jedusor en fixant à son tour l'oiseau dans les yeux. « Fume sec, » murmura Harry. Il sentit les serres de l'oiseau presser doucement son épaule. « Et ça ?» dit Jedusor qui regardait à présent la boule de chiffon au pied de Harry. « Ça, oh ça, c'est le vieux chapeau magique. » C'était vrai. Usé, rapiécé, crasseux, le chapeau était étalé sur le sol. Jedusor éclata de rire une nouvelle fois. Son rire était si sonore que l'écho le renvoyait dans toute la chambre, comme si 10 personnes avaient ri en même temps. « Et c'est ça que Dumbledore t'envoie pour te défendre. Un oiseau chanteur et un vieux chapeau. Voilà qui devrait te donner du courage, Harry Potter. Tu dois te sentir rassuré à présent. » Harry ne répondit pas. Il ne voyait peut-être pas à quoi fume-sec que le chapeau pouvait bien lui servir. Mais il ne se sentait plus seul et il attendit avec un courage grandissant que Jedusor ait fini de rire. « Revenons à nos affaires. » dit enfin Jedusor avec son large sourire. « Nous nous sommes rencontrés 2 fois dans ton passé et dans mon avenir. Et ces deux fois-là, je n'ai pas réussi à te tuer. Comment as-tu fait pour survivre? Dis-le-moi. Plus tu parleras, ajouta-t-il d'une voix douce, plus longtemps tu resteras vivant. Harry réfléchit à toute allure, évaluant ses chances de survie. Jedusor avait sa baguette. Harry, lui, avait fume-sec et le choix-peau magique qui ne lui serait guère utile en cas de duel. La situation n'était pas brillante, mais plus Jedusor restait là devant lui, plus la vie s'échappait de Ginny. Depuis tout à l'heure, la silhouette de Jedusor était devenue moins floue, plus solide. Si Harry devait se battre contre Jedusor, il valait mieux que ce soit le plus vite possible. « Personne ne sait pourquoi vous avez perdu vos pouvoirs quand vous m'avez attaqué, » dit Harry d'un ton abrupt. « Je ne sais pas moi-même. » « Mais je sais pourquoi vous n'avez pas pu me tuer. C'est parce que ma mère a donné sa vie pour me sauver. Ma mère qui était fille de Moldu. Elle vous a empêché de me tuer. Et j'ai vu ce que vous étiez vraiment. Je vous ai vu l'année dernière. Vous n'êtes plus qu'un débris, une épave. C'est à peine si vous êtes encore vivant. Voilà où votre pouvoir vous a mené. Vous êtes obligé de vous cacher. Vous êtes trop puissant, vous êtes abject. » Le visage de Jedusor se tordit en une grimace, puis il se força à sourire, mais d'un horrible sourire. « Soit. Ta mère est morte pour te sauver. Une puissante manière de conjurer le sort. Mais maintenant, je vois bien que tu n'as rien de si extraordinaire. Après tout, je me demandais, vois-tu, car il y a une étrange ressemblance entre nous, Harry Potter. Même toi, tu as dû le remarquer. Nous avons tous les deux du sang moldu. Nous sommes tous deux orphelins élevés par des moldus et probablement les deux seuls élèves de Poudlard qui aient jamais parlé fourche-langue depuis le temps du grand Serpentard lui-même. Même physiquement, nous nous ressemblons. Mais finalement, ce qui t'a sauvé face à moi, c'est la chance. La chance, rien d'autre. Voilà tout ce que je voulais savoir. » Harry, tendu, attendait que Jedusor brandisse la baguette magique, mais son rictus s'élargit encore. « Maintenant, Harry, je vais te donner une petite leçon. Nous allons mesurer les pouvoirs de Lord Voldemort, héritier de Salazar Serpentard, à ceux du célèbre Harry Potter, muni des meilleures armes que Dumbledore ait pu lui envoyer. » Il lança un regard amusé à Fume-Sec et au choix-peau magique, puis il s'éloigna. Harry, qui sentait la peur se répandre dans ses membres engourdis, vit Jedusor s'arrêter entre les hauts piliers et lever la tête vers le visage en pierre de Serpentard, à demi noyé dans l'obscurité. Jedusor ouvrit grand la bouche et se mit à siffler. Mais Harry comprit ce qu'il disait. « Parle-moi, le Serpentard le plus grand des quatre de Poudlard !» Harry regarda la statue, Fume-Sec toujours accroché à son épaule. Le visage géant de Serpentard s'était mis à bouger. Frappé d'horreur, Harry vit la bouche de pierre s'ouvrir de plus en plus grand en formant un immense trou noir. Quelque chose remua alors à l'intérieur de la bouche béante, quelque chose qui sortait en rampant de ses profondeurs. Harry recula jusqu'au mur, il ferma les yeux et sentit Fume-Sec caresser sa joue de son aile en prenant son envol. Harry aurait voulu crier « Ne me laisse pas seul !» Mais de toute façon, quelle chance pouvait bien avoir un phénix face au roi des serpents? Une lourde masse tomba sur le sol en le faisant trembler. Harry savait ce qui se passait, il le sentait, il voyait presque le serpent géant tomber de la bouche de Serpentard. Il entendit la voix sifflante de Jedusor qui disait « Tue-le !» Le basilic avançait vers Harry. Il entendait son corps pesant ramper sur le sol poussiéreux. Les paupières toujours fermées, Harry courut à l'aveuglette en suivant le mur, les mains tendues devant lui. Jedusor éclata de rire. Harry trébucha. Il tomba brutalement sur le sol de pierre et sentit le goût du sang. Le serpent n'était qu'à quelques mètres de lui. Il l'entendait s'approcher. Il y eut alors un sifflement sonore au-dessus de sa tête, comme si le serpent s'était mis à cracher. Mais quelque chose de lourd le frappa en le projetant brutalement contre le mur. Il s'attendait à sentir les crochets du reptile s'enfoncer dans son corps, mais il entendit d'autres sifflements furieux et des mouvements frénétiques entre les piliers. Harry ne put s'en empêcher, il entr'ouvrit les paupières, juste assez pour apercevoir ce qui se passait. L'énorme serpent d'un vert éclatant, au corps aussi épais qu'un tronc de chêne, s'était dressé haut dans les airs et sa grosse tête en pointe oscillait entre les deux colonnes comme un ivrogne à la démarche titubante. Tremblant de tous ses membres, Harry, prêt à refermer les paupières, vit ce qui avait détourné l'attention du serpent. fume sec voltait autour de la tête du basilic qui essayait de l'attraper, claquant ses mâchoires hérissées de longs crochets fins et tranchants comme des sabres. Le phénix plongea soudain. Son long bec d'or disparut et une cascade de sang noir se déversa sur le sol. La queue du serpent s'agita furieusement, manquant Harry de peu. Et avant que celui-ci ait eu le temps de fermer les yeux, la créature se retourna vers lui. Harry regarda sa tête et vit que ses énormes yeux jaunes et globuleux avaient été crevés par le bec pointu du phénix. Le sang continuait de ruisseler sur le sol, tandis qu'un long sifflement de douleur s'échappait de la gueule du serpent. « Non !» hurla Gédusor. « Laisse l'oiseau ! Laisse l'oiseau ! Le garçon est derrière toi, sans son odeur ! Tue-le ! Tue-le ! Tue-le ! » Le serpent aveugle vacilla, désorienté mais toujours mortel. Fume-sec, qui continuait de décrire des cercles autour de lui, lançait son chant angoissant en donnant par moments des coups de bec sur la tête du serpent, dont les yeux morts laissaient échapper des flots de sang noir. « Aidez-moi ! Aidez-moi ! » murmura Harry avec force. « Quelqu'un ! N'importe qui !» La queue du serpent fendit l'air comme un fouet et Harry se baissa pour l'éviter. Il sentit alors quelque chose se plaquer contre son visage, quelque chose qui avait la douceur d'une étoffe. Dans son mouvement, la queue du basilic lui avait jeté le chapeau magique sur la tête. Harry attrapa le chapeau. Il n'y avait rien d'autre. C'était sa dernière chance. Il l'enfonça aussitôt sur sa tête et se jeta à plat ventre contre le sol pour éviter à nouveau la queue du serpent. « Aide-moi ! Aide-moi ! » pensa Harry de toutes ses forces. « S'il te plaît, aide-moi !» Aucune voix ne lui répondit, mais le chapeau se contracta comme serré par une main invisible. Un objet lourd et dur tomba alors sur la tête de Harry en l'assommant à moitié. Étourdi, il arracha le chapeau de sa tête et sentit quelque chose de long et de dur sous ses doigts. Une épée d'argent étincelante était apparue à l'intérieur du chapeau magique, la poignée incrustée de rubis de la taille d'un œuf. « Tue-le ! Tue-le ! Tue-le, garçon ! Laisse l'oiseau ! Le garçon est derrière toi ! Sens-le ! Sens son odeur !» Harry s'était relevé, prêt à combattre. Le basilic fit un mouvement brutal pour se retourner. Son corps s'enroula sur lui-même en heurtant les colonnes et sa tête s'abattit sur Harry. Celui-ci vit les énormes orbites de ses yeux morts et sanglants et sa gueule qui s'ouvrait immense, hérissée de crochets luisants aussi effilés que son épée. Des crochets mortels, prêts à le transpercer. Le serpent plongea à l'aveuglette. Harry réussit à l'éviter et la tête du reptile heurta le mur. À nouveau, il plongea et sa langue fourchue cingla Harry comme un fouet. Il prit alors son épée à deux mains et la brandit au-dessus de sa tête. Le basilic attaqua à nouveau, et cette fois, il visa juste. De toutes ses forces, Harry enfonça l'épée jusqu'à la garde dans la gueule du monstre et lui transperça le palais. Harry sentit alors un flot de sang tiède ruisseler sur sa manche et une douleur fulgurante lui traversa le bras, juste au-dessus du coude. Un des longs crochets venimeux était enfoncé profondément dans sa chair et se cassa net lorsque le serpent vacilla et tomba sur le côté, le corps agité de convulsions. Harry glissa le long du mur. Il empoigna le crochet qui répandait le venin dans son sang et l'arracha de son bras. Mais il savait qu'il était trop tard. Une douleur brûlante se diffusait lentement dans son corps. Il laissa tomber le crochet brisé du serpent et regarda son propre sang imprégner l'étoffe de sa robe. Sa vision se brouilla. La chambre des secrets se fondait en un tourbillon de couleurs ternes. Une tache écarlate passa devant le regard de Harry et il entendit un bruissement d'aile à côté de lui. « Fume sec !» dit Harry d'une voix pâteuse. « Tu as été magnifique !» Il sentit que l'oiseau posait sa tête à l'endroit où le crochet du serpent lui avait transpercé le bras. Il entendit des bruits de pas et vit une ombre apparaître devant lui. « Tu es mort, Harry Potter !» dit la voix de Gédusor au-dessus de sa tête. « Mort ! Même l'oiseau de Dumbledore l'a compris. Tu vois ce qu'il fait, Potter ? Il pleure. » Harry cligna des yeux et distingua dans un brouillard la tête de fume sec. Des larmes épaisses, grosses comme des perles, coulaient sur ses plumes luisantes. « Je vais m'asseoir et te regarder mourir, Harry Potter. Oh, prends ton temps, je ne suis pas pressé. » Harry se sentait somnolé, tout tournait autour de lui. Ainsi finit le célèbre Harry Potter, dit la voix lointaine de Gédusor. Seul dans la chambre des secrets, oublié par ses amis et enfin terrassé par le Seigneur des ténèbres, qu'il avait si sottement défié. Bientôt, Tu auras rejoint ta chère mère au sang de Bourbe, Harry. Elle t'aura permis de vivre 12 ans. Et Lord Voldemort a fini par te vaincre comme il se devait. Si c'était cela, mourir, c'était pas trop désagréable après tout. Même la douleur le quittait à présent. Mais était-il vraiment en train de mourir ? Au lieu de disparaître peu à peu, la chambre semblait réapparaître dans son champ de vision. Harry remua un peu la tête et vit Fume-Sec toujours posé sur son bras. Ses larmes de perles avaient formé une tache qui brillait autour de la blessure. Il se rendit compte alors qu'il n'y avait plus de blessure. « Va-t'en, l'oiseau !» s'écria soudain la voix de Jédusor. « Va-t'en, laisse-le, je te dis, va-t'en !» Harry releva la tête, Jédusor pointait la baguette magique vers Fume-Sec. Il y eut une détonation semblable à un coup de feu et l'oiseau reprit son vol dans un tourbillon rouge et or. « Les larmes de Phénix !» murmura Jédusor en regardant le bras de Harry. « Un puissant remède contre les blessures. Je l'avais complètement oublié. » Il regarda Harry dans les yeux. « Mais ça ne fait rien. En fait, je préfère qu'il en soit ainsi. Rien que toi et moi, Potter. Toi et moi. » Jédusor brandit la baguette magique. Dans un bruissement d'ailes, Fume-Sec tournoya alors au-dessus de Harry et laissa tomber sur ses genoux le journal intime. Pendant une fraction de seconde, Harry et Jédusor, la baguette toujours levée, regardèrent le petit livre noir. Puis, sans réfléchir, sans hésiter, comme s'il avait toujours eu cette idée en tête, Harry empoigna le crochet du serpent et le plongea au cœur du livre. Il y eut un long hurlement perçant, un hurlement terrible. Un flot d'encre jaillit du livre à gros bouillons et ruissela sur les mains de Harry. Jédusor à présent se tordait sur le sol, agitant vainement les bras, criant de toutes ses dernières forces. Et soudain, il avait disparu. La baguette magique de Harry tomba sur le sol, puis ce fut le silence. On n'entendait plus que le bruit faible et régulier de l'encre qui continuait de couler goutte à goutte du journal intime. Le venin du basilic avait fait un trou dans le petit livre noir, brûlant les pages de part en part. Tremblant de tout son corps, Harry se releva. La tête lui tournait comme s'il avait parcouru des dizaines de kilomètres par la poudre de cheminette. Avec des gestes lents, il ramassa la baguette magique et le choix-peau, puis il tira de toutes ses forces la poignée de l'épée pour arracher la lame de la gueule du serpent. Il entendit alors un faible gémissement au fond de la chambre. Ginny remuait. Harry se précipita. Elle s'était redressée, assise par terre, et regardait d'un air stupéfait l'énorme masse du basilic mort. Ses yeux se tournèrent ensuite vers Harry et sa robe trempée de sang, puis se fixèrent sur le journal intime qu'il tenait à la main. Elle fut secouée d'un sanglot et des larmes ruisselèrent sur ses joues. « Harry, oh Harry, j'ai essayé de te dire l'autre jour, mais je ne pouvais pas parler devant Percy, c'était moi, Harry. » Mais je jure que je voulais pas faire ça. C'est Jédusor qui m'a obligé, il m'a imposé son pouvoir. Et comment as-tu fait pour tuer cette chose? Où est Jédusor? La dernière chose dont je me souvienne, c'est quand il est sorti de son journal. Tout est fini, maintenant, dit Harry en lui montrant le gros trou que le crochet du serpent avait percé au milieu du petit livre noir. Jédusor n'existe plus. Ils sont morts tous les deux, lui et le basilic. Viens, Ginny, sortons d'ici. Je vais être envoyé, se lamenta Ginny tandis que Harry l'aidait à se relever. J'avais tellement attendu le jour où je pourrais enfin entrer à Poudlard. Et maintenant, je vais être obligé de partir. Mes parents vont être furieux. Fume-Sec les attendait en tournoyant à l'entrée de la chambre des secrets. Harry entraîna Ginny dans l'obscurité sinistre, ils enjambèrent le cadavre du basilic et retournèrent dans le tunnel, leurs pas résonnant en écho contre les parois de pierre. Harry entendit le mur se refermer derrière eux dans un long sifflement. Ils avancèrent rapidement dans le tunnel et entendirent enfin une sorte de raclement lointain. « Ron !» cria Harry en accélérant le pas. « Ginny va bien ! Elle est avec moi !» Ron poussa une exclamation de joie et ils aperçurent bientôt son visage surexcité à travers le gros trou qu'ils avaient réussi à creuser dans l'éboulis de roc. « Ginny !» Ron tendit les bras pour l'aider à passer par l'ouverture. « Vivante ! Vous osez plus y croire !» Qu'est-ce qui s'est passé ? Il voulut la serrer dans ses bras, mais Ginny le repoussa secoué de sanglots. « Tout va bien, Vimy !» dit Ron avec un grand sourire. « C'est fini maintenant. D'où il vient, cet oiseau ?» Fume sec était passé par le trou à la suite de Ginny. « C'est celui de Dumbledore, » dit Harry en franchissant les boulis à son tour. « Et comment ça fait que t'es une épée ?»« Je t'expliquerai quand nous serons sortis d'ici. »« Mais plus tard !» coupa Harry. Il pensait qu'il valait mieux attendre un peu pour dire à Ron qui avait ouvert la chambre des secrets et ne pas en parler devant Ginny, en tout cas. « Où est Lockhart ?» demanda Harry. « Là-bas, » dit Ron avec un sourire. « Il va pas fort. Viens voir. » Guidé par Fume-Sec, dont les grandes ailes écarlates diffusaient une lueur dorée dans l'obscurité, ils retournèrent à l'entrée du tuyau. Gilles de Roy Lockhart était assis par terre et fredonnait une chanson d'un air absent. « Il a perdu la mémoire, » dit Ron. « Le sortilège d'amnésie a marché à l'envers. C'est à lui que ma baguette magique a jeté le sort. Il sait plus du tout qui il est, ni où il est, ni qui nous sommes. Je lui ai dit de nous attendre ici, il est plus capable de se débrouiller tout seul. » Lockhart les regarda avec bonne humeur. « Bonjour !» dit-il. « Drôle d'endroit, n'est-ce pas ? C'est ici où vous habitez ?»« Non, » répondit Ron en jetant à Harry un regard interrogateur. Harry se pencha pour examiner le tuyau. « Tu as réfléchi au moyen de remonter là-dedans » demanda-t-il à Ron. Ron fit non de la tête. Mais Fume-Sec, le phénix, passa devant Harry et volta devant lui. Ses petits yeux brillaient dans l'obscurité du tuyau. Il agitait ses longues ailes aux plumes d'or comme pour l'inviter à le suivre. Harry le regarda d'un air hésitant. « On dirait qu'il veut que tu t'accroches à lui. Mais tu es beaucoup trop lourd pour un oiseau. »« Fume-Sec n'est pas un oiseau ordinaire, » dit Harry. « Nous allons nous tenir les uns aux autres. Ginny, prends la main de Ron. Professeur Lockhart, il parle de vous. » dit sèchement Ron à Lockhart. « Vous prendrez l'autre main de Ginny. » Harry glissa l'épée et le chapeau magique dans sa ceinture. Ron saisit un pan de la robe de Harry et celui-ci s'accrocha à la queue de Fume-Sec dont les plumes dégageaient une étrange chaleur. Harry eut alors l'impression que son corps devenait extraordinairement léger et un instant plus tard, ils s'envolaient tous dans le tuyau avec un sifflement semblable à celui du vent. Harry entendait Lockhart qui s'exclamait. « Étonnant ! Vraiment étonnant ! On dirait de la magie !» « Étonnant !» Les cheveux ébouriffés par l'air frais du tuyau, Harry trouvait cette envolée plutôt agréable, mais elle fut de courte durée. Bientôt, tous quatre se retrouvèrent sur le carrelage humide des toilettes de Mimi Géniard et le lavabo, qui dissimulait le passage secret, se remit en place. Mimi les regarda avec des yeux ronds. « Tu es vivant ?»« On dirait que tu es déçu, » répondit Harry en essuyant ses lunettes maculées de sang et de boue. Je me disais que si tu étais mort, j'aurais été contente de partager mes toilettes avec toi. » avoua Mimi, le teint soudain argenté, ce qui était sa manière à elle de rougir. « Perk !» dit Ron lorsqu'ils eurent regagné le couloir désert. « Harry, je crois bien que Mimi a un faible pour toi. Ouh, tu as une rivale, Ginny !» Mais Ginny n'était pas d'humeur à plaisanter, les larmes continuaient de couler sur ses joues. « Où on va maintenant ?» demanda Ron en jetant un regard inquiet à sa sœur. Harry montra du doigt le phénix, entouré d'un halo de lumière dorée qui volait le long du couloir. Ils le suivirent à grands pas et quelques minutes plus tard, ils se retrouvèrent devant le bureau du professeur McGonagall. Harry frappa et poussa la porte.